Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter cette semaine une série d'émissions enregistrées en décembre 2017 sur la fatigue. Pourquoi toujours dire du mal de la fatigue? Et si celle-ci avait ses vertus, ses bienfaits, sa raison d'être? N'y a-t-il pas, à côté de la fatigue qui nous épuise, une bonne fatigue, une fatigue saine, une fatigue qui nous fait dormir et qui nous donne envie de chanter ses louanges? Allez, en route sur les chemins de la philosophie, on commence avec une randonnée, la bonne fatigue, je vous disais. Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. Et vous allez très vite vous rendre compte que tout votre corps entre en action. D'ailleurs, si vous faites bien attention à vos jambes, vous constaterez qu'elles passent en alternance par une phase d'oscillation et une phase d'appui. Que les muscles ne se contractent qu'au moment où le talon entre en contact avec le sol. Et que tant que la hanche n'est pas à la verticale de votre pied, ils effectuent une opération de freinage pour éviter la chute. Au fond, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés. Alors, on tient plus debout? Oh, ça va, hein. S'il a fermé un peu aussi, ça serait pas arrivé, hein. Ça va, c'est pas grave. Ouais, mais bon, c'est comme quand on t'explique comment faut faire pour respirer. Après, tu sais plus où t'en es. Moi, je suis un instinctif, hein. J'aime pas qu'on m'embrouille. Bon, bah, je vous conseille de pas trop parler pour économiser votre sou. Bonjour, Éric Fiat. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. On va laisser Benoît Poulvord guider sa randonnée. On le retrouvera dans peu de temps, mais il est plus épuisant encore que de marcher en montagne, que de l'écouter. Il est absolument épuisant parce que j'ai envie de faire l'éloge de la promenade, mais pas celui de la randonnée. La promenade, c'est une manière d'être attentif à ce qui surgit. Le promeneur, c'est... Le flâneur des circonstances, le géographe des brindilles, l'océanographe des flaques, il s'arrête, il repart, il ne sait pas du tout où il va aller. Alors que là, on est dans une marche forcée absolument terrible qui m'épuise. Alors que la promenade, à mon avis, est peut-être le lieu d'une fatigue reposante. Voilà, on va suivre un de ces conseils qui est d'économiser notre souffle, mais pour mieux en parler. Alors, cher Éric Fiat, vous connaissez, auteur d'un traité... disons, un petit traité de dignité, de corps et âme, ou qu'un peu d'incarnation, ça peut pas faire de mal. C'est un dialogue sur la pudeur. Et vous voici en train d'écrire une ode à la fatigue. Pourquoi écrire sur la fatigue? Et pourquoi une ode? Alors, ça fait deux questions. Voilà, merci. Vous avez 50 minutes. Tout d'abord, parce que j'entends très souvent mes contemporains se plaindre de fatigue, et peut-être moi-même plus encore qu'eux. Alors, je ne suis pas là pour faire part d'une sensation privée ou d'une aventure biographique. Non, il me semble que si, comme le dit très bien Comte-Sponville, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée, eh bien, vient un âge où il ne faut plus travailler que sur ce qui nous touche au plus près, et en l'occurrence, la fatigue. Alors là, je vous rassure, hein, vous n'avez pas en face de vous, Adèle, un vieillard, un Géron de Cachochim. Non, je confirme. Mais il est vrai que l'âge venant, je suis de plus en plus fatigué, mais je ne suis pas le seul. J'ai envie de dire de la fatigue des hommes, vous savez ce que La Fontaine disait jadis de la peste des animaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fable, alors peut-être pas le début... mais surtout la fin qui est merveilleuse. Alors bien sûr, le début, c'est un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un seul jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. J'adore ce vers, et on pourrait peut-être fort... Quelle est cette fable? C'est les animaux malades de la peste. Ah oui. On pourrait dire aujourd'hui les hommes malades de la fatigue et dire un mal qui répand la terreur, la fatigue, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux êtres humains la guerre. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et surtout, le génie de La Fontaine fait que ce qu'il dit de la peste, à mon avis, des conséquences de la peste chez les animaux, pourrait être dit des conséquences de la fatigue chez les hommes d'aujourd'hui. Parce que la suite, c'est ça. Nul mets n'excitait leur envie. mais M-E-T-S, hein, nul mets n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil, etc. Eh bien oui, la fatigue, ça vous transforme en quelques années un prince charmant en mari. Et ça fait que la tourterelle et le tourtereau ne cueillent plus dans les pattes l'un de l'autre les doux fruits d'amour. Donc c'est un sujet très sérieux. Ça c'est sûr, mais alors on a du mal en vous écoutant à comprendre pourquoi on va pourquoi choisir d'en faire l'éloge. Pourquoi une ode à la fatigue? Alors c'est parce que s'il existe en effet une fatigue comme épuisement qui nous prostre, qui nous laisse stupéfaits, bref une mauvaise fatigue, il est aussi ce que j'ose appeler une bonne fatigue. Bien sûr, entre cette bonne et cette mauvaise fatigue, tout un nuancier, tout un dégradé, tout un herbier de fatigue possible. Et je ne voudrais pas séparer, selon un cadastre trop bien découpé, une fatigue qui serait purement bonne et une fatigue qui serait purement mauvaise. Cependant, j'expérimente qu'il est une bonne fatigue. La fatigue du sportif vainqueur, la fatigue de l'amoureux victorieux, la fatigue de celui qui a le sens du travail bien fait, du devoir accompli, sont bonnes fatigues. Alors certes, voilà des hommes fatigués, puisqu'il faut en effet beaucoup s'efforcer pour gagner le match, pour cueillir dans les bras de celle qu'on aime les doux fruits d'amour, pour finir son travail et faire son devoir. Mais étant donné qu'il y a joie à être comme on avait envie d'être, eh bien je dirais qu'un court repos sera remède à des fatigues de cet acabit-là. Parce que mes quatre personnages dormiront du sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être long pour être réparateur. Je me demande même s'il faut vraiment dormir longtemps quand on est fatigué après qu'on a gagné un match, après qu'on a bien aimé, après qu'on a fait son devoir ou son travail. La joie de la victoire, la joie de l'amour, si vous voulez, a une puissance dilatatrice. Hein. Vous savez que le plus grand poète de la joie, c'est La Fontaine, et il dit quelque part, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec. Parce que précisément... la joie, c'est la dilatatio animi. J'ai gagné le match, je suis perclus, j'ai mal partout. Pour gagner un match, après qu'on a couru 90 minutes après un ballon rond ou 80 minutes après un ballon ovale, il faut tout donner. Mais la joie de la victoire fomente la résurrection des forces données dans le jeu. Le légionnaire qui vous a aimé toute la nuit est sans doute fatigué de cet amour-là, mais enfin la joie d'aimer si bien et d'être si bien aimé fomente la résurrection des forces données dans l'amour. Et même chose pour le travail. Eh bien, je veux faire l'éloge de la bonne fatigue, mais mon propos, c'est peut-être d'essayer de faire l'éloge de cette fatigue qu'on dit cependant mauvaise. Car même dans cette fatigue que l'on dit mauvaise, il y a quelque chose comme une attestation de la condition humaine. Il me semble qu'il est impossible d'imaginer un homme qui ne serait pas fatigué, pour cette raison que notre aventure est étrange. Vous savez, nous sommes sans doute les seuls vivants à savoir que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus. Nous savons contingents, nous savons mortels, et résultat, nous sommes tous à la recherche d'une légitimation au fait que nous soyons et que nous soyons comme nous sommes. Et cette quête d'une légitimation, eh bien, est sans doute quelque chose de fatigant, de presque épuisant. Il nous arrive peut-être d'avoir envie de chanter avec Jane Birkin grâce à Serge Gainsbourg. Avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Ces jours-là, je suis fatigué d'une mauvaise fatigue, dont cependant, je voudrais essayer de dire les vertus. Si je vous suis bien, la bonne fatigue est celle qui peut se convertir en repos. C'est celle qui conduit au repos, quand la mauvaise fatigue, on va l'explorer ensemble, serait au contraire celle dont on ne se repose jamais, qui serait une fatigue existentielle, redoublée d'une fatigue ordinaire, quotidienne, celle du travail, celle des tâches que nous nous assignons, peut-être pour donner un sens à notre vie. Et cette fatigue serait mauvaise, non pas moralement parlant, mais parce que d'elle, on ne sort jamais. Tout à fait, car si mes premiers fatigués, qui connaissent la bonne fatigue, eh bien, dormiront du sommeil du juste, je dirais que mes mauvais fatigués, qui souffrent de mauvaise fatigue, vont dormir du sommeil de l'injuste. La formule est forcément bienvenue, car symétrique. Et qui dort du sommeil de l'injuste, dort d'un sommeil qui n'est pas réparateur. Il s'agit de moments d'insomnie, vous savez. Et en effet, quand on a l'impression... Alors voilà, quand on est le sportif vaincu, quand on est l'amant qui n'est pas victorieux, quand on a l'impression de ne pas avoir fait son devoir, quand on a l'impression de la tâche inachevée, en effet, même le repos n'est point remède à fatigue de ce genre, car qui veut se reposer ne connaîtra que le sommeil de l'injuste. Et ce sentiment d'une injustesse ou d'une injustice, en effet, fait qu'on ne sait pas trop quoi faire de cette fatigue-là. Et je crois que beaucoup de nos contemporains la connaissent, si vous voulez. Pensez-vous que ce soit un symptôme, pour employer un terme à la mode et beaucoup utilisé, un symptôme contemporain, que cette mauvaise fatigue n'a-t-elle pas toujours existé d'une manière ou d'une autre ? Elle a toujours existé d'une manière ou d'une autre, mais lorsque l'on aime son travail, lorsque l'on considère le travail plus comme le dû de l'existence que comme sa rançon, hein, c'est une formule de Rodin qui disait combien l'humanité serait plus heureuse si au lieu de considérer le travail comme la rançon de l'existence, elle le considérait comme le dû. Eh bien, quand on aime son travail, eh bien, on peut y donner beaucoup de force, mais on ne connaîtra, je le répète, qu'une fatigue qui sera plutôt bonne, alors qu'il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains vivent la fatigue plutôt mauvaise, car ils considèrent le travail plutôt comme la rançon de l'existence que comme son dû. Je veux dire par là que, comme l'ont montré, vous savez, Jonathan Crary dans « Le capitalisme à l'assaut du sommeil », vous connaissez ce texte ? Non. Ah, c'est très intéressant. Ça s'appelle 24-7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou Zygmunt Bauman, hein, qui nous parle d'une société, en effet, qui s'accélère tout le temps. J'ai l'impression que l'homme d'aujourd'hui, dans le travail, est sommé de s'adapter de manière permanente à l'impermanence. Et cela est absolument épuisant. Vous savez, on dit qu'un caméléon mis sur un patchwork devient fou. Mais à mon avis, l'homme d'aujourd'hui ressemblerait plutôt à un caméléon qu'on mettrait sur un kaléidoscope. C'est-à-dire qu'on ne cesse de lui demander de se transformer, de s'adapter. Et de plus en plus de travailleurs, à mon avis, c'est ça qui fomente cette fatigue que je nomme mauvaise, se sentent en effet comme ce caméléon sur un kaléidoscope. Et c'est là que je crois que il y a peut-être une supériorité du lion, du roi chez La Fontaine, sur notre lion d'aujourd'hui. Je reviens à ma fable, vous voyez. Après que le lion a constaté que tous les animaux souffraient de la peste, il a tint conseil, il les a réunis et leur a dit « Mes frères, que faire de cette peste ?» Il ne me semble pas que notre lion jupitérien d'aujourd'hui ait fait la même chose. Parce que il a un peu tendance à considérer que ceux qui se disent fatigués sont peut-être des paresseux ou peut-être des fainéants, celui qui est inlassablement en marche, qui ne dort que quelques heures par la nuit. Eh bien, a peut-être trop vite tendance à considérer les fatigués comme des paresseux. Or, à mon avis, il ne faut pas confondre la fatigue et la paresse, parce que la fatigue est un état qu'on n'a pas forcément choisi, alors que la paresse est un vice. Moi, je dirais que la paresse est une espèce de fatigue par anticipation, ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux n'est pas fatigué, mais il va ne rien faire parce qu'il risque de l'être. Confondre la paresse et la fatigue me semble une chose assez grave. N'est-ce pas ce que fait parfois notre lion jupitérien ? Mais à qui pensez-vous lorsque vous parlez du lion jupitérien ? C'est l'homme contemporain ? Oh. Ou c'est quelqu'un de plus précis ? Oui. Bon. Le voyez-vous ? On ne le nommera pas. On va retrouver le lion de La Fontaine un peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais vous proposer un texte que vous avez suggéré, avec lequel vous êtes venu d'ailleurs, et qui me semble bien à propos, puisque vous distinguez la fatigue de la paresse. On va creuser cette distinction et de voir en quel sens il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Ce texte est celui de Paul Lafargue. Il s'appelle « Le droit à la paresse », du titre de l'ouvrage, « Nouvelle ère, chanson nouvelle ». Voici ce texte interprété par Georges Clès. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie trame à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices, écrivait d'Ostérode le 5 mai 1807 Napoléon. Je suis l'autorité, et je serai disposé à ordonner que le dimanche, passé l'heure des offices, les boutiques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur travail. Pour extirper la paresse et courber les sentiments de fierté et d'indépendance qu'elle engendre, on a transformé les ateliers modernes en des maisons idéales de correction, où l'on incarcère les masses ouvrières, où l'on condamne aux travaux forcés pendant 12 et 14 heures, non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants. Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour. La terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile ? Oh, paresse, prends pitié de notre longue misère. Oh, paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines. À la paresse, c'est sur France Culture que vous l'écoutez, Les Chemins de la Philosophie, pour ce troisième temps de notre série d'émissions sur la fatigue. Après la grande fatigue nietzschéenne lundi, la fatigue, est-ce vraiment de la fatigue d'ailleurs, d'Oblomov, ça c'était hier, aujourd'hui donc, Éric Fiat vient nous proposer son ode à la fatigue. Le droit à la paresse de Paul Lafargue est un texte qui date de 1881, on pourrait le transposer quasiment mot pour mot aujourd'hui. Et pourtant, si je vous ai bien écouté, Éric Fiat, il me semble que vous ne le suivez peut-être pas jusqu'au bout. Est-ce que le meilleur moyen pour lutter contre la mauvaise fatigue due à un travail trop intense ne serait pas plutôt de trouver une bonne fatigue plutôt que la paresse ? Est-ce que la paresse est le meilleur rempart contre la mauvaise fatigue ? Mais je suis tout à fait de cet avis-là. Alors j'aime dans le texte de Lafargue, qui en fait était le gendre de Karl Marx, vous savez, et qui ne fait pas cet éloge de la paresse anti-capitaliste pour rien. J'aime dans ce texte de Lafargue la légèreté, l'ironie. Il vaut mieux parler avec légèreté des choses graves qu'avec gravité des choses légères. Et il y a dans le titre de Lafargue, le droit à la paresse, une façon de provocation qui me plaît bien. Mais jamais je ne ferai l'éloge de la paresse, parce que je ne crois pas du tout qu'elle soit, comme le dit Lafargue à la fin du texte qui a été si bien lu, mère des arts et des nobles vertus. Il me semble que tout artiste un peu conséquent doit avouer que ce qui le fait créer, c'est pas du tout la paresse. Et puis il y a surtout, chez le paresseux, une manière de se prélasser dans l'être, enfin d'y croire sa place légitime sans le début du commencement d'un scrupule. Le paresseux, c'est celui qui conatoucise sans vergogne, qui s'installe dans l'être sans hésitation et qui laisse les autres, au fond, porter le poids de l'être. Je ne suis pas heideggerien jusqu'au bout, mais je pense qu'Heidegger n'a pas tort de dire que l'homme doit être le berger de l'être. Et par conséquent, ça n'empêche pas que j'ai grande sympathie, par exemple, vous savez, pour Alexandre le Bienheureux. Vous vous souvenez peut-être du film de Yves Robert, Alexandre le Bienheureux, ou Philippe Noiret, à un certain moment, arrête de travailler et semble paresser. Enfin, à un certain moment, au moment où son épouse meurt, épouse qui était un peu comme Benoît Poulvord au début de cette émission, qui entraîne les randonneurs vers une espèce de cauchemar sportif, son épouse le contraignait à travailler je ne sais pas combien d'heures par jour. Elle meurt et là, elle se sent libérée et enfin, il décide de prendre son temps et tout le monde envie Alexandre le Bienheureux qui décide de ne pas quitter son lit et à l'aide d'un système de poulies s'arrange pour pouvoir faire descendre un saucisson quand il a faim, une trompette ou un tuba quand il veut jouer et un verre de vin quand il a soif. Voilà, c'est un film merveilleux et Noiret dit « Il faut prendre le temps de prendre son temps » sur une magnifique musique un peu romantique et puis le chien, bon. Mais est-ce qu'il est paresseux ou pas? Moi, je pense qu'il pratique l'osium ou la scolée, comme disaient les anciens, c'est-à-dire la disponibilité à l'essentiel. On a traduit longtemps osium par loisir, mais c'était du loisir studieux qu'il fallait parler. On a traduit longtemps scolée par école, mais il faut peut-être traduire ce mot par disponibilité à l'essentiel. Noiret s'arrête pour être disponible à l'essentiel. Mais à mon avis, pour être disponible à l'essentiel, il faut pas paresser. Car le paresseux n'est pas disponible. Je sais pas pourquoi je m'échauffe en disant cela. Le paresseux n'est pas disponible à l'essentiel. La disponibilité à l'essentiel suppose une activité, précisément, tout autre chose que l'oisiveté. Alors je comprends l'ironie de Lafargue. Il veut opposer son éloge de la fatigue au discours des sous-préfets sous les préaux de l'époque, hein, qui avaient pris leur inspiration, si on peut parler d'inspiration, dans les pages roses du Larousse, et ils disaient « l'oisiveté est la mère de tous les vices », sous-entendu « le travail est le père de toutes les vertus ». Le travail peut être le père de toutes les vertus s'il est aimé et choisi. Mais un travail que l'on n'aime pas et qu'on n'a pas choisi n'est sans doute pas le père des vertus. Et alors, l'ironie de Lafargue à la fois me plaît, à la fois me déplaît. Vous savez, Jean Kielevitch, parce qu'il faut être ironique pour faire l'éloge de la paresse. Jean Kielevitch disait « l'ironie est la patience d'un dieu déguisé en mendiant, alors que l'humour ne cache pas d'épée dans les plis de sa tunique. Ce vagabond restera éternellement en état de vagabondage. » Et Rilke confirme en disant « allez aux profondeurs ». L'ironie n'y descend pas. Mais il me semble que Lafargue ne va pas aux profondeurs de ce qui se passe dans un être humain en faisant cet éloge de la paresse. En revanche, consacrer une ode à la fatigue, ça m'apparaît plus important, mais même si je sais quelque chose d'un peu provocant dans le fait de vouloir écrire ou composer une ode à la fatigue. Parce que composer une ode, chanter une ode à la bonne fatigue dont je parlais tout à l'heure, sans doute. Mais composer une ode à la mauvaise fatigue dont souffrent beaucoup de nos contemporains, c'est dangereux à mon avis. Je risque fort de me retrouver dans la situation du bar d'assurance Tourix, vous savez, celui qui est dans les aventures de Goscinny, eh bien, à tout moment, voulait entonner une ode. Alors, mèche relevée, la tête en arrière pour prendre inspiration, la lyre dans les bras, il disait « je vais composer une ode ». Et à ce moment-là, le forgeron, c'est automatique, il disait « non, tu ne chanteras pas ». Et donc ce poète, pour qui j'ai beaucoup de sympathie cependant, hein, qu'on tape à tout bout de champ, hein, qu'on tape à tout bout de champ, est peut-être un peu le personnage à qui je ressemble, parce que peut-être quelqu'un qui souffrait de mauvaise fatigue me dirait « non, tu ne vas pas faire une ode à cette fatigue, enfin, qui me fait tant de mal. Je n'aurai sans doute pas le temps de finir mon ode que déjà le maillet de l'industrieux, c'est automatique, me sera tombé sur la tête. Hein. Aurais-je le temps de dire cette strophe, cette antistrophe et cette épaude finale qu'il y a normalement dans l'aude, j'en suis pas sûr. Mais ce drôle d'oiseau lyre, cet aède qu'on tape à tout bout de champ, dit peut-être quelque chose de vrai. C'est-à-dire que il y a dans la fatigue, même qu'on considère souvent comme mauvaise, quelque chose qui est révélateur de la condition humaine comme telle. Voilà peut-être pourquoi il faut évidemment faire l'aude à la bonne fatigue. Mais voilà pourquoi il n'est peut-être pas impossible d'aller chercher dans la fatigue ce qui est assumable, ce qu'elle révèle de notre condition. C'est ça que j'aimerais faire. Eh bien, ça tombe bien, vous êtes là pour ça. Je me demande, en vous écoutant, je me demande deux choses. D'abord, vous pourriez revenir plus souvent en studio pour mimer tous les extraits qu'on a prévu diffuser, parce que finalement, vous les incarnez vous-même par votre voix, donc ça fonctionne très bien. Et deuxièmement, si finalement on n'appelle pas... Est-ce que paresse n'est pas le terme employé par un jugement désapprobateur pour qualifier ce que vous appelez la mauvaise fatigue? Finalement, le texte de Lafargue a une visée politique très claire. Oui. Et donc, le paresse, dans le terme même de paresse, il me semble que même les sonorités l'expriment. Il y a ce jugement désapprobateur et qui condamne une certaine attitude qui consiste à tourner le dos au travail. Or, vous, ce que vous appelez la mauvaise fatigue est le résultat d'un travail qui est louable en lui-même. Bien sûr. Alors, cela ne laisse pas que la paresse existe. Et qu'il existe des hommes paresseux. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il existe dans un village qui m'est cher un homme qui passe pour très paresseux, qui n'a jamais travaillé de sa vie, mais qui fait un peu travailler les autres. Récemment, il est rentré de voyage blessé. On lui demande « que t'est-il arrivé ?» Et il avait eu un accident de hamac. Il était tombé de son hamac. C'est merveilleux comme histoire. Donc la paresse sans doute existe, mais le jugement de valeur qui consisterait à dire à quelqu'un qui n'en peut plus, qui est épuisé, qui est essoufflé, qu'il est paresseux, a quelque chose, je trouve, de scandaleux. Alors, à bien vous suivre, ce que vous appelez la mauvaise fatigue, la fatigue, disons, existentielle, certes, a des échos proprement contemporains, mais si on remonte le temps et l'histoire des communautés humaines, on trouve d'autres traces de cette fatigue, mauvaise fatigue, bien avant le XXIe siècle. Bien sûr, et en particulier dans ce que l'on appelle l'acédie. L'apostrophe A-C-E-D-I-E. Quel joli mot. Oh, c'est un beau mot. la chose est moins belle que le mot. L'acédie, traduction en français du grec akédia, c'était justement cette espèce de lassitude, de mauvaise fatigue, de dégoût qui prenait souvent les moines 7-8 ans après qu'ils l'étaient devenus. Et il existe toute une série de traités sur l'acédie, les De Acediae, de l'acédie, chez des auteurs qui ne sont sans doute pas les auteurs de chevet de nos contemporains, mais là nous allons faire changer la chose, c'est évident. Saint Jean Climac, Saint Jean Cassien ont écrit des textes sur l'acédie que j'ai trouvé absolument extraordinaire, parce qu'il me semble que, de même que tout à l'heure vous disiez justement qu'il n'y a pas grand-chose à changer au texte de Lafargue pour décrire ce qu'il en est du travail aujourd'hui, de même il n'y a pas grand-chose à changer au texte de Climac ou de Cassien sur l'acédie pour décrire ce que par exemple vivent beaucoup d'infirmières au bout de 7-8 ans de travail. Il se trouve que je m'occupe un peu d'éthique médicale et je remarque que les descriptions de ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, l'épuisement professionnel, notamment des soignants, eh bien, ressemblent étrangement à ce que Cassien et Climac écrivaient au sujet de l'acédie monastique. Donc l'acédie monastique, c'est le burn-out médiéval. C'est quelque chose de... Voilà, c'est le burn-out médiéval, la belle formule. C'est exactement cela. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que... alors, il y a, justement, on peut imaginer, vous voyez, que les pères abbés se réunissent et se disent les uns aux autres, alors que t'arrive-t-il? Comment vont-ils? Et alors, tous n'en mourraient pas, mais tous étaient frappés. Et alors, le problème, c'est que cet acédie, ce dégoût, ne se repère pas forcément, parce qu'il se traduit par deux comportements radicalement opposés, soit l'incurie, soit l'hypercurie. L'incurie, alors, c'est le moine qui souffrant d'acédie, c'est-à-dire de lassitude, de dégoût, de mauvaise fatigue en somme, eh bien, arrive en retard aux offices. Ou alors il y arrive, mais il n'y a, j'adore cette expression, il n'a que la génuflexion oblique. Vous voyez, la génuflexion oblique. Au lieu de se mettre à genoux devant l'autel, il a la génuflexion oblique. Qui part légèrement de biais, ce qui est le signe d'un épuisement total. Ah là, c'est signe qu'il est fatigué. Il recopie mal les manuscrits, son lopin de terre est en jachère. Il chante les chants, mais il les chante du bout des lèvres et non pas du fond du cœur. Vous voyez, il est un peu comme Gainsbourg avait propos de la Marseillaise aux armes, etc. Et là, c'est être résurrexit, etc., etc., etc. Ça, c'est l'incurie, qui est la traduction exacte de Acadia. Hein. C'est le fait de ne pas prendre soin parce qu'on est trop fatigué. Mais il y a aussi l'hypercurie. Alors là, ça ne se repère pas tout de suite. Parce que ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à des comportements de ce genre. C'est un moine qui est parfaitement à l'heure aux offices, qui n'a pas la génuflexion oblique, mais la génuflexion implorante et adorante. Ses manuscrits sont parfaitement recopiés. Son lopin de terre est un modèle pour Baraton. Et alors, il chante à haute voix. Oui, mais il n'est pas présent à ce qu'il fait. Son cœur n'y est pas présent. C'est le burn-out. On a traduit par épuisement professionnel. On a manqué la notion de brûlure qui se trouve dans l'expression anglaise « to burn ». Et par conséquent, de l'extérieur, ils ont l'air parfaits. À l'intérieur, ils sont brûlés. Eh bien, je pense qu'il serait intéressant aujourd'hui que non pas les pères abbés, mais les cadres supérieurs infirmières se réunissent et parlent de leurs soignants, de leurs infirmières, et qu'elles envoient en effet qui arrivent un peu en retard, qui font les toilettes un peu rapidement, qui ne se lavent pas bien les mains. Bon, alors là, on le voit tout de suite, incurie, mauvaise fatigue. Mais il y a aussi des infirmières qui ont l'air alors parfaitement à la hauteur de leur tâche, mais elles ne sont pas présentes à ce qu'elles font. Elles sont comme Cocteau décrivait les infirmières quand il était hospitalisé. J'appelle, on vient. Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Elles ne soignent pas le malade, elles soignent la chambre du malade dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est un automate vêtu de blanc qui entre dans la chambre, la range et en sort. Les bonnes sœurs ne sont pas bonnes, elles remplacent la bonté par un mécanisme de bonté. Et son texte termine de la manière suivante. Toute attention à la singularité du cas du malade déréglerait le mécanisme, il leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au père supérieur, à la mère supérieure ou au médecin chef. Eh bien, c'est ça, la mécanisation du soin, vous voyez. Je vois dans ces textes qui semblent très anciens, dans quelque chose, en effet, d'un burn-out médiéval. Mmh. Et il serait très intéressant pour appréhender la mauvaise fatigue de beaucoup de nos contemporains qui travaillent et n'ont plus goût à leur travail, de reprendre ces textes-là. Mais peut-on vraiment parler de fatigue lorsque vous décrivez l'acédie et l'incurie d'un côté, l'hypercurie de l'autre? Peut-être que le moine qui n'arrive plus à faire sa génuflexion correctement et qui chante du bout des lèvres, Est-il fatigué ou bien tout simplement s'ennuie-t-il? Parfois nous n'avons pas le cœur à l'ouvrage parce que nous n'avons plus envie, nous sommes mus par autre chose, nous ne sommes plus au bon endroit. C'est pas forcément de la fatigue qui nous fait mal faire les choses. Alors, c'est la perte de la vocation qui est à l'origine de cela. Une voix, vocation, vocare, appelée, vox vocis, la voix. Une voix les avait appelés et leur avait dit, lève-toi et marche, enfin, fais-toi moine. Et au bout de quelques années, ils perdent cette vocation. S'agirait-il d'ennui? C'est important de distinguer peut-être la fatigue de l'ennui. On l'a distingué de la paresse. Oui, oui. Dans l'ennui, je vois quand même une attente qui ne sait pas ce qu'elle attend. Alors que dans la fatigue, il n'y a même plus la possibilité d'attendre. Vous savez, l'ennui est une espèce de souci de luxe. Quand on a plein de choses à faire, on n'a pas la possibilité de s'ennuyer. Et donc l'attente, c'est la c'est la pathologie d'une attente qui ne sait pas ce qu'elle attend ou qui disqualifie tout ce qui surgit. Alors que dans la Cédille telle qu'elle est décrite par Cassien ou par Climaque, on a affaire à des êtres qui n'attendent plus rien. Voilà pourquoi je pense nécessaire de distinguer, quand bien même là encore, il ne faut pas... Vous savez, nous autres philosophes, autant qu'on peut l'être, on a parfois tendance à vouloir à tout prix distinguer les choses, et nous avons raison. Mais dans la vie, parfois, on est dans un état intermédiaire entre la mauvaise fatigue et l'ennui. Mais si on écoute Cassien et Climaque, on verra que ce n'est pas d'ennui que souffrent nos moines. Pour savoir comment la fatigue advient, parce qu'il y a dans votre travail sur la fatigue, votre ode à la fatigue en cours de rédaction, une dimension que l'on pourrait appeler d'un mot barbare qui est celui de phénoménologique, à savoir comment décrire, tout simplement, comment décrire ce qui apparaît, comment la fatigue advient, tout simplement, quels en sont les signes extérieurs, les symptômes, les marques d'apparition, les évidences visuelles ou autres. Eh bien, je vous propose, pour décrire ce phénomène de la fatigue, de retrouver le lion de La Fontaine, là où nous l'avions laissé, mais cette fois-ci, voir que le lion a pour compagnie un moucheron qui ne sait pas par quel biais le prendre. Écoutez. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit. On se cache, on tremble à l'environ, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche, en 100 lieues le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte monté. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'ait griffe ni dent en la bête irritée qui, de la mettre en sang, ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue. Là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne à la victoire, va partout l'annoncer, et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Éric Fiat, la meilleure image de la fatigue ou de comment la fatigue nous vient est-elle ce moucheron qui sait piquer le lion là où lui ne l'attend pas? Je dirais plutôt que la meilleure image de la fatigue, c'est le moment où il est dans la toile d'araignée. À la fin donc de la fable, le moucheron a piqué le lion. Et... Ah, il l'a emporté contre le lion sans aucun problème. Et là, il croise une araignée et nous dit le narrateur, c'est la fin pour lui. Voilà. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Et La Fontaine de nous dire que entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. Je crois en effet que la toile d'araignée, c'est une bonne métaphore pour bâtir ce que vous nommiez tout à l'heure très justement une phénoménologie de la fatigue. Dire comment elle apparaît. Et en effet, si la fatigue, et la mauvaise fatigue bien sûr, hein, est un ennemi redoutable, c'est parce qu'elle ne se présente jamais face à soi. On peut l'emporter contre un ennemi puissant quand il se présente face à soi. C'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath. On peut éventuellement se battre contre son cancer, hein. On se souvient de François Mitterrand sortant de l'hôpital Cochin en 1992, avouant qu'il souffrait d'un cancer alors qu'il le connaissait déjà depuis 11 ans secrètement. Hein, et Mitterrand disant « c'est un combat honorable à mener contre soi-même ». Quand on sait bien ce qu'on a, quand on n'a pas encore trop mal, quand on n'est pas épuisé par les traitements, on peut dire « je vais me battre contre mon cancer », quand on peut l'objectiver, le mettre devant soi. Mais le propre de la fatigue, c'est qu'elle ne vient pas de face. Elle vient d'en haut. Et on sent son poids sur les épaules. Elle vient de derrière, c'est-à-dire qu'elle nous prend en traite. Il y a une traîtrise de la fatigue. Elle vient d'en dessous, c'est-à-dire que le sol se dérobe sous nos pieds. Vous savez, en état d'extrême grande fatigue, on a des problèmes d'équilibre qui ressemblent aux problèmes qu'on a quand éventuellement on est un peu ivre. Et comment l'emporter contre un ennemi qui vient de partout ? C'est ce que Barbara dit du mal de vivre. Hein. Ça ne prévient pas quand ça arrive, ben oui. Ça vous prend au creux des reins. Eh ben, c'est la même chose. Ah oui, j'avais jamais pensé à ça. En effet, et alors vous savez, je pense à deux auteurs qui disent bien que le plus grand des héros, enfin, peut être réduit à peu de choses par ce côté gluant, mielleux, arachnéen de la fatigue. C'est les aventures de Gulliver. Gulliver est un géant puissant, mais il y a des Lilliputiens qui arrivent d'en face, d'en haut, de derrière, d'en bas, et il est mis cul par-dessus tête par ses petits ennemis. Autre métaphore, celle qu'on trouve chez Pagnol dans La gloire de mon père. Vous savez, il y a un moment où Marcel et Paul, qui passent leur vie dans le jardin à faire des expériences, eh bien, ont attrapé une mante religieuse, qui est vraiment le plus puissant des insectes du jardin. Et ils jettent la mante religieuse dans la fourmilière pour voir ce qui va se passer. Au début, la mante religieuse fait merveille parce qu'avec ses pattes, elle attrape les fourmis, les dévore, les coupe, enfin bon. Puis au bout de quelques temps, elle ne bouge pas trop. Les enfants croient à une retraite provisoire, bon, à une stratégie. Puis à un certain moment, le petit Marcel se rend compte qu'il y a des fourmis qui sont entrées par ce qu'il appelle le trou du cul de la mante religieuse. Le mot va faire beaucoup rire le petit Paul. Eh bien, de même que le plus puissant des insectes peut être réduit à rien par les fourmis, parce qu'elles viennent de partout, de même que le plus puissant des héros peut être réduit à rien par les Lilliputiens, parce qu'ils viennent de partout, de même la fatigue ne vient pas de face. Au moment où on la repère, il est déjà trop tard, elle nous prostre. Et je dirais que pour arriver à être, continuer à être comme on veut être, pour arriver à continuer à être comme on doit être. Quand on est épuisé de cette fatigue-là, il faudrait être soit un saint, soit un héros. Vous savez, Corneille dit à propos du Christ, hein, le saint des saints, la chose suivante. Il sait dans la fatigue être sans lassitude. Quelque charge qu'il porte, il n'en sent point le poids. Il sait rendre léger les plus puissants fardeaux. Mais c'est vrai du Christ en tant que vrai Dieu, pas en tant que vrai homme. Nous qui sommes vraiment des hommes, nous ne savons pas dans la fatigue être sans lassitude. Nous ne savons pas rendre léger les plus puissants fardeaux. Le Christ porte, d'après les chrétiens, sur ses épaules le péché du monde. Ça doit être assez lourd, à mon avis, depuis le temps. Mais il sait rendre ça tout léger. Mmh. Puis le héros. Je me souviens, dans les aventures du baron de Munchausen, d'un moment où le baron s'avance d'un pas sûr dans une clairière. Malheureusement, les sables y sont mouvants. Et il commence à s'enfoncer dans les sables mouvants. Et là aussi, je trouve que c'est une très bonne métaphore phénoménologique de la fatigue. Parce que vous savez que tous les efforts qu'on fait pour ne pas sombrer dans les sables mouvants nous font sombrer plus vite. Eh bien, il en est de même de la fatigue. Lutter contre sa fatigue est fatigant. Le remède accroît le mal. Et alors, il commence à s'enfoncer dans les sables mouvants, le baron de Crac, là. Et puis, la tête surnage, hein. Mais à un moment, elle passe avec le reste. Et savez-vous comment il va s'en sortir ? En se tirant lui-même par les cheveux. Ce qui trouve qu'il avait cheveux et non pas cale ou toupet. Mais non, on ne se tire pas des sables mouvants de la fatigue par un héroïsme de la volonté ou par une sainteté pure. On a besoin d'une aide. Et c'est là, à mon avis, que il est très important, justement, de repérer ce que la fatigue a de mielleux, d'engluant, ce qui fait qu'il faut poser la question de savoir quelles conséquences elle a dans notre vie éthique, si vous voulez. Dans notre vie éthique, c'est-à-dire que la fatigue, un corps fatigué, un individu fatigué, ne peut pas se comporter éthiquement parlant de la même façon qu'un homme qui n'est pas fatigué. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle jamais, et c'est vrai, dans les traités moraux, oui, dans l'histoire de la philosophie ou même de la littérature, on ne prend jamais en compte la fatigue. On fait comme si nous étions toujours, oui, au meilleur de nous-mêmes, capables de prendre la meilleure décision selon les meilleurs préceptes du monde. L'impératif catégorique ancien, comme le traité des vertus d'Aristote, ne prennent pas en compte cet état dans lequel nous sommes en permanence, qui est la fatigue. Tout à fait. Les moralistes, et heureusement que Aristote et Kant sont bien trop géniaux pour être considérés comme des moralistes. Enfin, les moralistes s'adressent à un sujet en forme, à un sujet infatigable. Or, essayez de pratiquer les vertus d'Aristote quand vous êtes épuisé de fatigue. Le courage, la tempérance, la justice, la patience, l'altruisme. Quand on est épuisé de fatigue, on a du mal à être patient, on a du mal à être tempérant, on a du mal à être courageux. Nos lâchetés ont souvent pour origine une forme de fatigue. On est spontanément égoïste parce qu'il faut déjà se porter soi-même. Alors s'il faut en plus porter autrui, voyez, c'est le phénomène qui fait que nos enfants ou petits-enfants, ou arrière-petits-enfants, selon l'âge de nos auditeurs, enfin, sont insupportables quand ils n'ont pas assez dormi. On le sait, ça. C'est un phénomène qui continue de fomenter en nous. Alors bien sûr, nous avons, paraît-il, atteint l'âge de raison, donc même quand j'arrive à l'université épuisé de fatigue, j'essaie de ne pas être insupportable avec mes collègues. Cependant, vient un moment où la tête passe avec le reste. Et je crois en effet qu'on peut désigner la fatigue comme ce que j'appellerais le démon mesquin de la quotidienneté. Le démon mesquin, c'est une formule qu'on trouve chez Jean Giono. Jean Giono a laissé comme ça, à la fin de sa vie, quelques textes absolument géniaux, qui ont été réunis dans un volume qui s'appelle « La chasse au bonheur ». Il y en a un qui s'appelle « De certains parfums que j'adore ». Enfin, il y en a un autre qui s'appelle « Le démon mesquin », où Giono nous dit que le démon mesquin, c'est justement toutes les petites tracasseries du quotidien qui empêchent l'homme d'être comme il devrait être, l'homme comme il voudrait être. Il y a toujours un écart entre ce que l'homme est et ce que l'homme devrait être, entre ce que l'homme est et ce qu'il voudrait être. De cet écart, Kant a fait toute une philosophie, d'ailleurs. Mais il me semble que cet écart s'accroît en temps de mauvaise fatigue. Alors, le démon, Giono ne croyait ni à Dieu ni à diable, mais le démon, le diable, c'est celui, justement, qui veut faire d'eux, diable, qui veut faire d'eux, celui qui veut que l'homme ne soit pas, enfin, que l'homme ne fasse pas ce qu'il doit faire et qu'il fasse ce qu'il doit ne pas faire. Giono nous dit qu'il ne faut pas du tout penser que le démon se présente jamais à nous sous la forme de ce monstre hideux, hein, qui sent le soufre, qui a la langue et les sabots fourchus, qui nous dirait « fais le mal !» Nous aurions peur et nous ne le ferions pas. Mais le démon est mesquin, dit Giono. Le démon mesquin, c'est justement quand la scie se coince, que la râpe glisse, que la cheville qui devait tenir l'applique ne tient pas, quand il n'y a plus de papier au cabinet. Et il ajoute « les plus robustes ne tiennent pas longtemps ». Et Giono, j'aime beaucoup ce texte, dit le démon mesquin, c'est justement la gale. Vous savez, dans les grands textes, on parle de la lèpre, de la peste, hein, mais la gale. Qui a vu Cerbère, dit Giono, à part Dante, je ne connais personne, mais j'ai été comme tout le monde, celui qui, dans une promenade du soir, est suivi pendant un quart d'heure par un chien de basse-cour qui grogne sur vos talons comme s'il cherchait le meilleur morceau de chair à mordre, sans bâton ni canne à la main. On est loin de la guerre de Troie et tout le monde n'a pas de chance de mourir sous les coups d'Hector ou d'Achille. Mais il peut arriver à tous de marcher dans un terrain boueux et d'emmener avec soi à la maison contre son gré un pesant échantillon de sol à chaque pied. Métaphore de la boue, de l'englument, métaphore du miel. Et à ce moment-là, être comme on veut être comme on doit être, c'est difficile. D'autant plus que nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons chacun un caractère, une manière d'être au monde qui nous fait sentir la fatigue de manière plus ou moins intense, avec plus ou moins de volupté. On a commencé cette émission, Eric Fiat, avec les randonneurs. Benoît Poulvorde qui guidait cette équipe à travers la Corse, à pied, le long du GR20. On va retrouver une randonnée, ou plutôt une excursion, à laquelle prend part cette fois-ci Jean-Paul Sartre, qui décrit dans L'être et le néant, dans la quatrième partie de L'être et le néant, les deux marcheurs qui marchent côte à côte et qui ont un rapport à la marche et à la fatigue absolument différent. Je suis parti en excursion avec des camarades. Au bout de quelques heures de marche, ma fatigue croît. Elle finit par devenir très pénible. Si j'interroge l'un de mes compagnons, il m'expliquera qu'il est fatigué, mais qu'il aime sa fatigue. Il s'y abandonne comme à un bain. Elle lui paraît l'instrument privilégié pour découvrir le monde qui l'entoure, pour s'adapter à la rudesse rocailleuse des chemins, pour découvrir la valeur montagneuse des pentes. De même, c'est cette légère insolation de sa nuque et ce léger bourdonnement d'oreilles qui lui permettront de réaliser un contact direct avec le soleil. Enfin, le sentiment de l'effort est pour lui celui de la fatigue vaincue. Mais comme sa fatigue n'est rien d'autre que l'effort qu'il endure pour que la poussière de chemin, les brûlures du soleil, la rudesse des routes existent au maximum, son effort, c'est-à-dire cette familiarité douce avec une fatigue qu'il aime, à laquelle il s'abandonne et que pourtant il dirige, se donne comme une manière de s'approprier la montagne. Ainsi, la fatigue de mon compagnon est vécue dans un projet plus vaste d'abandon confiant à la nature, de passion consentie pour qu'elle existe au plus fort, et en même temps de domination douce et d'appropriation. C'est ce qu'expriment les 1000 conduites dites d'abandon. S'abandonner à la fatigue, à la chaleur, à la faim et à la soif, se laisser aller sur une chaise, sur un lit, avec volupté, se détendre, tenter de se laisser boire par son propre corps. Tous ces comportements ont pour origine un projet initial de récupération du corps, une tolérance profonde à la facticité. Le projet de se faire corps signifiera alors un abandon heureux à 1000 petites gourmandises passagères, à 1000 petits désirs, à 1000 faiblesses. Ce qui paraît évident après notre analyse, c'est que la façon dont mon compagnon souffre de sa fatigue s'oppose radicalement à la mienne, où je découvre sans peine une méfiance vis-à-vis de mon corps et de l'en-soi en général. Quel texte, Eric Fiat, dans lequel Sartre raconte ça, la fatigue dont il est victime au bout de quelques heures de marche, fatigue qui lui devient très pénible alors que son compagnon, lui, décrit la volupté qu'il a à s'abandonner à sa fatigue. C'est comme si ici Jean-Paul Sartre marchait avec Albert Camus, cette facilité à s'abandonner au sol, à la fatigue de la marche et à l'effort redoublé par la chaleur du soleil, lui arrive à se détendre et se laisser tenter de se laisser boire par son propre corps. Tout y est dans cette description très concrète des différentes modalités du rapport à la fatigue. Se laisser boire par son propre corps. Je vais vous dire, évidemment, comme vous sans doute, j'ai grande admiration pour ce texte, mais je me sens beaucoup plus camusien que sartrien. C'est-à-dire que deux choses me gênent dans ce texte. D'abord, ce que j'appellerais l'infatigable discursivité sartrienne. Je pense que là, il y a peut-être une manière d'esquive. Noircir des pages à l'infini, comme le fait Sartre, c'est peut-être faire taire le blanc du papier, qui, à mon avis, nous interroge parfois plus sûrement que notre propre questionnement. J'aime chez Camus cette manière qu'il a de chercher ce que j'appellerais l'aide d'un silence profond pour en quémander la révélation, de sorte que déjà l'écriture infatigable, analytique jusqu'au bout, inlassablement discursive de Sartre me fatigue un peu. Et puis d'autre part, il me semble que dans ce texte, il y a quelque chose d'étonnant, parce qu'en effet Sartre est celui des deux marcheurs qui à un moment n'en peut plus, va s'arrêter, va dire non. Camus serait celui qui continuerait. Étrange chiasme, insolite renversement par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, parce que des deux compagnons, Que nous dit Sartre ? Eh bien, c'est que l'homme de la passivité, de l'abandon, c'est justement celui qui va se laisser boire par son propre corps, celui qui va continuer, et non pas celui qui va se laisser choir sur le bord de la route et qui va s'arrêter. Sartre n'aime pas l'abandon. Parce que aimer sa fatigue, c'est aimer son corps, c'est aimer sa part de contingence, c'est jouir de ce qui, pour Sartre, devrait être objet de nausée. D'où la distance et le dégoût que son dualisme lui fait exprimer pour ce qu'il nomme une complaisance au corps. Eh bien, moi, je dirais que le corps n'est pas de l'ordre de l'en-soi. C'est ça, le gros problème de Sartre. C'est que, pour Sartre, celui qui dit non, c'est celui qui, justement, se raidit, affirmant la ferme résistance du pour-soi aux séductions de l'en-soi et du corps qui sont toujours rapprochés de l'autre. Mais à mon avis, la fatigue du corps, c'est pas rien, c'est pas une charge brute ou insensée. Il en est du corps, plénitude de sens et non matière informe, profusion de sens où je suis déjà pris, comme de ma vérité. Dans la fatigue, il y a une gravité, une promesse, comme dit Jean-Louis Chrétien, un mélange d'opacité et de stupeur. À quoi Sartre nous conduirait à dire radicalement non ? À quoi, à mon avis, il est possible parfois de dire oui. Et ce oui, moi je le trouve par exemple dans la musique de Bach, il y a tellement de cantates où Bach se dit fatigué, mais il transforme la fatigue en une beauté, en une louange du monde. Voilà pourquoi je pense nécessaire de faire une ode à la fatigue, et finalement les plus belles odes à la fatigue que j'ai jamais entendues, c'est peut-être celles qu'il y a dans les cantates de Bach. Comes ilgero, comführe mich in Friede, weil ich der Welt bin müde. Et c'est donc avec une cantate de Bach que nous nous quittons. Un grand merci à vous, Éric Fiat, d'être venu nous chanter les louanges de la fatigue aujourd'hui. Merci à vous. Grâce à vous, ma fatigue est devenue bonne. Vous allez dormir du sommeil du juste. Donc on a hâte de vous lire. Cette ode à la fatigue paraîtra dans quelques mois aux éditions de l'Observatoire. Merci. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver non pas Jean-Sébastien Bach, mais Géraldine Mosna-Savoie pour le journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Ouais, peut-être que la fatigue rend drôle, c'est pas sûr. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, c'était très drôle. Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous proposez un lien entre l'actualité et la philosophie. Quelle est votre actualité du jour et votre philosophie du jour ? Alors, vous venez d'écouter du Bach, on va écouter de l'opéra et se demander ce qu'en disent les philosophes. Car comme le souligne Olivier Lexa dans son essai tout juste paru aux éditions des archives Caroline, ce qui manque, c'est une pensée de l'opéra, une pensée en tout cas actuelle de l'opéra. Incompatible avec la langue française, selon Rousseau, liée au fascisme du XXe siècle, considéré comme un genre désuet, conventionnel, artificiel, ridicule et bourgeois par les intellectuels du siècle dernier, notamment Adorno ou Brecht, qui le définissaient, je cite, « comme un art culinaire et vespéral qui ne peut être rénové », l'opéra a pourtant retrouvé une jeunesse au début des années 80, avec Pierre Boulez et sa production du Ring, et c'est ainsi que Barthes, Deleuze ou Foucault en ont fait un objet d'étude. Mais avant et après, que s'est-il vraiment passé par rapport à l'opéra ? Quelle philosophie de l'opéra tracée à travers les siècles ? Presto, presto, prie che venga, pormi vo da qualche lato, c'è una nicchia, qui c'è lato, chiedo che non mi vostar. Senti, senti, dove vai? C'est à Kierkegaard que l'on doit de très belles pages consacrées à l'opéra de Mozart, Don Giovanni. En 1843, dans les stades immédiats de l'Eros, où l'Eros est la musique, il déclare ainsi son amour à cette pièce qui lui semble surpasser toute œuvre musicale. Ce qu'il dit de cette œuvre semble toutefois paradoxal. Comme le remarque Olivier Lexa, à aucun moment il n'évoque le livret de la pièce, l'aspect visuel du spectacle, ou seulement pour dire qu'il entrave la musique. Et surtout, il n'emploie le terme d'opéra qu'au bout de 50 pages. Autrement dit, il ne parle pas d'opéra. Alors, de quoi parle-t-il? Eh bien, justement, uniquement de son expérience de la musique. Il dit même avoir voulu, je cite, s'y cacher complètement. Mais jamais il n'est question du lyrisme ou de la scène, et c'est bien. Le problème de l'approche de Kierkegaard, quoi qu'on puisse penser quand même que parler de musique à l'égard d'un opéra ne soit pas non plus totalement hors sujet, mais c'est aussi le problème que pose l'opéra, par quel angle le prendre, sur quelle dimension s'appuyer, la théâtralité, la voix, le livret ou la musique, sachant que chacune de ces dimensions est déjà problématique par elle-même, ou faut-il partir du récit lui-même avec son aspect universel ou encore de l'interprétation unique et singulière qui est proposée chaque soir d'une pièce. C'est difficile de prendre la parole sur du Wagner, sur Tristan et Iseult. Bon courage, Géraldine. Oui, mais bon, il faut bien faire une philosophie de l'opéra, et le cas Wagner est incontournable, et grâce à Nietzsche, il reste Nietzsche le plus grand penseur de l'opéra, et loin d'être une contrainte, c'est justement parce que l'opéra est un art total que l'on peut en faire une philosophie. Mais alors laquelle? Eh bien celle d'une intensification de la vie, parce que non seulement tous les arts y sont réunis, ordonnés et disposés en détail, et parce que, lorsqu'on écoute du Wagner, il y a quelque chose de la noyade. Il y a, je cite un extrait du cas Wagner, qu'il faut s'imaginer que l'on entre dans la mer, perd pied peu à peu et pour finir s'en remet à la merci des éléments. Il ne reste plus alors qu'à nager. Et pour comprendre cette philosophie proposée par Nietzsche avec Wagner, Olivier Lexa, dans cet essai, propose en plus de le rapprocher de Monteverdi, de mettre face à face Tristan et Iseult et Orfeo de Monteverdi donc. Source mythologique, référence à la pastorale, thème de la rédemption par l'amour et l'interdit, Wagner et Monteverdi avec Tristan et Orfeo se répondent et se rejoignent. Si la philosophie de l'opéra est celle d'une intensification de la vie, telle une noyade dont on survit, ce rapprochement de Tristan et Orfeo révèle la modification précise que produit l'opéra sur notre perception. Par l'attention au timbre et aux couleurs de l'orchestre, l'éclatement de la tonalité, l'effet de suspension, on accède, comme le dit Olivier Lexa, à un autre présent, une réalité cachée. Par la distorsion des éléments, la transformation des rêves en réalité ou l'éveil des pulsions enfouies en nous, eh bien la vie s'intensifie, elle œuvre, elle opère. Merci Géraldine pour cette philosophie de l'opéra, et c'est le titre du livre dont vous nous parlez. C'est Monteverdi et Wagner, Penser l'opéra d'Olivier Lexa, et c'est paru aux éditions Archives Caroline. Penser l'opéra. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Louis Servet qui a préparé cette émission, avec Marianne Chassor, Marie Aubert, Géraldine Mosna-Savoie, David Pargamin et Claire Perriman-Holt. À la réalisation cette semaine, Nicolas Berger et Annabelle Brouard. À la prise de son aujourd'hui, Victoria Asper. À la lecture des textes, Georges Kless. On se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions sur la fatigue. Demain, nous parlerons des nuits blanches et des insomnies d'Emmanuel Lévinas en compagnie d'Olivier Abel. Pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette série, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne, tout télécharger pour une durée illimitée. Afin de réécouter l'émission à l'endroit et à l'heure de votre choix, rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Mais pour l'heure, il est 11h. Restez à l'écoute sur France Culture.